Chapitre 2. Hier l'après-midi s'annonçait brumeuse et froide. J'avais envie de la passer au coin du feu dans mon cabinet de travail au lieu de patauger dans la bruyère et dans la boue jusqu'à Hurlevent. Après le dîner, je remontais. Je dîne entre midi et une heure. La femme de charge, respectable matrone que j'ai prise avec la maison comme un immeuble par destination, n'a pas pu ou n'a pas voulu comprendre la requête que je lui avais adressée pour être servie à 5 heures. Je gravis donc l'escalier dans cette intention paresseuse, mais en entrant dans la pièce, je vis une servante à genoux entourée de brosées de seaux à charbon. Elle soulevait une poussière infernale en éteignant les flammes sous des monceaux de cendres. Ce spectacle me fit aussitôt reculer. Je pris mon chapeau et après une course de 4 miles, j'arrivai à la porte du jardin de Heathcliff, juste à temps pour échapper au premier flocon d'une averse de neige. Sur ce sommet découvert, la terre était durcie par une gelée noire et le vent me fit frissonner jusqu'à la moelle. Ne parvenant pas à enlever la chaîne, je sautai par-dessus la barrière, montai en courant la chaussée d'allées bordées, ça et là de groseilliers, et frappai en vain pour me faire admettre tant et si bien que les jointures des doigts me cuisaient et que les chiens se mirent à hurler. « Misérable habitant de cette demeure, proférai-je mentalement, vous mériteriez pour votre grossière inhospitalité de rester à perpétuité isolé de vos semblables. Vous pourriez au moins ne pas tenir vos portes barricadées en plein jour. Peu importe, j'entrerai. » Cette résolution prise, je saisis le loquet et le secouai violemment. La tête et la face vinaigrée de Joseph se montrèrent à une lucarne ronde de la grange. « Qu'est-ce que vous voulez, vous » cria-t-il. « Le maître a descendu au parc à moutons. Faites le tour par le bout de la grange, si c'est que vous voulez lui parler. » « N'y a-t-il personne à l'intérieur pour ouvrir la porte ?» lui criai-je en réponse. « Il n'y a personne que la maîtresse, et il n'ouvrira point quand même que vous feriez votre vacarme infernal jusqu'à la nuit. Pourquoi ? Ne pourriez-vous lui dire qui je suis, hein, Joseph ? Moi, que nenni, je vous loue point m'en mêler !» grommela la tête qui disparut. La neige commençait à tomber drue. Je saisissais la poignée du loquet pour faire un nouvel essai quand un jeune homme sans veste et portant une fourche sur l'épaule apparut dans la cour derrière la maison. Il me héla en me faisant signe de le suivre, et après avoir traversé une buanderie et une cour pavée contenant un magasin à charbon, une pompe et un pigeonnier, nous arrivâmes enfin dans la grande pièce chaude et gaie où j'avais déjà été reçue. Elle resplendissait délicieusement à la lueur d'un immense feu de charbon, de tourbe et de bois. Près de la table mise pour un plantureux repas du soir, je fus charmé d'apercevoir la maîtresse, personne dont je n'avais pas encore soupçonné l'existence. Je saluai et j'attendis, pensant qu'elle me prierait de prendre un siège. Elle me regarda en s'appuyant sur le dossier de sa chaise, mais resta immobile et muette. « Vilain temps, remarquai-je. Je crains, Madame Heathcliff, que la porte n'ait à se ressentir des conséquences du service un peu relâché de vos domestiques. » J'ai eu de la peine à me faire entendre d'eux. Elle ne desserra pas les dents. J'ouvris de grands yeux. Elle ouvrit de grands yeux aussi. Ou plutôt, elle fixa sur moi un regard froid, indifférent, excessivement embarrassant et désagréable. « Asseyez-vous, » dit le jeune homme d'un ton bourru. « Il va bientôt rentrer. » J'obéis, je toussai. J'appelai la gredine de Junon qui daigna, à cette seconde entrevue, remuer l'extrémité de la queue en signe de reconnaissance. « Un bien bel animal, » repris-je. « Avez-vous l'intention de vous séparer de ces petits, madame ?»« Ils ne sont pas à moi, » dit l'aimable hôtesse d'un ton encore moins engageant que celui que Heathcliff lui-même aurait pu mettre à cette réponse. « Ah, vos favoris sont sans doute parmi ceux-ci, » continuai-je en me tournant vers un coussin dans l'ombre couvert de quelque chose qui ressemblait à des chats. « Étrange chouette de favoris !» observa-t-elle avec mépris. Pas de chance, c'était un tas de lapins morts. Je toussai une fois de plus et me rapprochai de l'âtre, renouvelant mes commentaires sur le triste temps de cette soirée. « Vous n'auriez pas dû sortir, » dit-elle en se levant pour prendre sur la cheminée deux des boîtes à thé peintes. Jusqu'alors, elle avait été abritée de la lumière. Maintenant, je distinguais nettement sa silhouette et son visage. Elle était élancée en apparence à peine sortie de l'adolescence. admirablement faite et avec la plus exquise petite figure que j'ai jamais eu le plaisir de contempler. Des traits fins, très réguliers, des boucles blondes ou plutôt dorées qui pendaient librement sur son cou délicat, et des yeux qui eussent été irrésistibles si l'expression en eût été agréable. Heureusement pour mon cœur sensible, le seul sentiment qu'il révélait tenait le milieu entre le dédain et une sorte de désespoir qu'on était étrangement surpris d'y découvrir. Les boîtes étaient presque hors de sa portée. Je fis un mouvement pour l'aider. Elle se tourna vers moi du même air qu'aurait à un avare si quelqu'un voulait essayer de l'aider à compter son or. « Je n'ai pas besoin de votre assistance, » dit-elle sèchement. « Je peux les atteindre toute seule. »« Je vous demande pardon, » me hâtai-je de répliquer. « Vous a-t-on invité à prendre le thé ?» demanda-t-elle en attachant un tablier sur sa robe noire très propre. Elle balançait une cuillerée de thé au-dessus de la théière. « J'en prendrai une tasse avec plaisir. »« Vous a-t-on invité ?» répéta-t-elle. « Non, » dis-je en souriant à demi, « mais vous êtes tout indiqué pour le faire. » Elle rejeta le thé, la cuillère et tout le reste et se rassit sur sa chaise avec un mouvement de dépit, le front plissé, la lèvre inférieure rouge en avant, comme celle d'un enfant prêt à pleurer. Cependant, le jeune homme avait jeté sur son dos une veste extrêmement usée. Debout devant le feu, il me regardait du coin de l'œil d'une mine à jurer qu'il y avait entre nous deux une haine mortelle inassouvie. Je commençai à me demander si c'était ou non un domestique. Son costume et son langage étaient grossiers, tout à fait dépourvus de la supériorité qu'indiquaient ceux de M. et Mme Heathcliff. Ses épaisses boucles brunes étaient négligées et hirsutes, sa moustache empiétait sur ses joues à la manière de celle d'un ours, ses mains étaient hâlées comme celles d'un simple laboureur. Pourtant son attitude était dégagée, presque hautaine, et il ne montrait pas l'assiduité d'un domestique à servir la maîtresse de maison. En l'absence de preuves certaines de sa condition, je jugeai préférable de ne pas prêter attention à sa conduite bizarre. Au bout de 5 minutes, l'entrée de Heathcliff apporta, dans une certaine mesure, un soulagement à ma situation embarrassée. « Vous voyez, monsieur, que je suis venu comme je l'avais promis, » m'écriai-je avec un fin enjouement, « et je crains que la neige ne me retienne chez vous pendant une demi-heure, si vous pouvez m'accorder abri pendant ce laps de temps. »« Une demi-heure ?» dit-il en secouant les blancs flocons qui couvraient ses vêtements. « Je me demande pourquoi vous avez choisi le fort d'une tourmente de neige pour venir vous promener jusqu'ici. » « Savez-vous que vous courez le risque de vous perdre dans le marais ? Des gens familiers avec ces landes s'égarent souvent par de pareilles soirées, et je puis vous annoncer qu'il n'y a aucun espoir de changement pour le moment. Je pourrais peut-être trouver parmi vos valets de ferme un guide qui resterait à la grange jusqu'à demain, si vous pouviez m'en prêter un. Non, je ne pourrais pas. Oh, vraiment ? Eh bien alors j'en serais réduit à ma seule sagacité. Allez-vous faire le thé ? Demanda l'homme à l'habit râpé, détournant de moi son farouche regard pour le diriger sur la jeune femme. « Faut-il en faire pour lui ? » demanda-t-elle en s'adressant à Heathcliff. « Préparez-le, voulez-vous ? » fut la réponse faite d'une façon si brutale que je tressaillis. Le ton dont ces mots furent prononcés révélait une nature foncièrement mauvaise. Je n'avais plus envie d'appeler Heathcliff un homme admirable. Quand les préparatifs furent terminés, il m'invita. « Maintenant, monsieur, avancez votre chaise. » Et tous, y compris le rustique jeune homme, s'approchèrent de la table. Un austère silence régna pendant que nous prenions notre repas. Je pensais que si ma présence avait jeté un froid, il était de mon devoir de faire un effort pour le dissiper. Il n'était pas possible que ces gens fussent tous les jours aussi sombres et aussi taciturnes. Il n'était pas possible, si mauvais caractère qu'ils eussent, que cet air renfrogné qu'ils avaient tous fut leur air de tous les jours. Il est étrange, commençai-je dans l'intervalle entre une tasse de thé et une autre, il est étrange que l'habitude puisse ainsi façonner nos goûts et nos idées. Beaucoup de gens seraient incapables de concevoir l'existence du bonheur dans une vie aussi complètement retirée que la vôtre, monsieur Heathcliff. Pourtant, j'oserais dire que, entouré de votre famille, avec votre aimable épouse comme génie tutélaire de votre foyer et de votre cœur. « Mon aimable épouse » interrompit-il avec un ricanement presque diabolique. « Où est-elle, mon aimable épouse ?»« Madame Heathcliff, votre femme, vais-je dire. » « Ah, bon oui, vous voulez sans doute faire entendre que son esprit a pris le rôle d'ange gardien et veille sur le sort de Hurlevent, même quand son corps l'a quitté. Est-ce cela? M'apercevant que je commettais une bévue, j'essayais de la rattraper. J'aurais dû voir qu'il y avait une trop grande disproportion d'âge entre deux pour qu'ils puissent, avec vraisemblance, être mariés femmes. L'un avait environ 40 ans, un âge de vigueur mentale où les hommes nourrissent rarement l'illusion d'être épousés par amour par des jeunes filles. Ce rêve réservé comme consolation au déclin de nos années. L'autre ne paraissait pas 17 ans. J'eus une inspiration soudaine. Le lourdeau qui est à côté de moi, qui boit son thé dans une jatte et mange son pain avec des mains sales, pourrait bien être son mari. Heathcliff Junior, sans doute. Voilà ce qui arrive quand on s'enterre vivante. Elle s'est jetée sur ce rustre par simple ignorance de l'existence d'êtres supérieurs. C'est bien dommage. Il faut que je tâche de lui faire regretter son choix. Cette dernière réflexion peut sembler d'un fat. Elle ne l'était pas. Mon voisin me frappait comme un être presque repoussant. Je savais, par expérience, que je n'étais pas sans séduction. « Madame Heathcliff est ma belle-fille, » dit Heathcliff, ce qui confirma ma supposition. Il dirigea sur elle en parlant un singulier regard, un regard chargé de haine, à moins que par l'effet d'une disposition anormale, ses muscles faciaux n'interprètent pas, comme ceux des autres humains, le langage de son âme. « Ah, certainement, je comprends maintenant. Vous êtes l'heureux possesseur de cette fée bienfaisante, » remarquai-je en me tournant vers mon voisin. Ce fut encore pis. Le jeune homme devint écarlate et ferma le poing en donnant tous les signes de préméditation d'un assaut. Mais il parut se ressaisir presque aussitôt, étouffa l'orage sous un brutal juron, grommelé à mon adresse que, bien entendu, j'eus soin d'ignorer. « Pas de chance dans vos conjectures, monsieur, » observa mon hôte. « Aucun de nous n'a le privilège de posséder votre bonne fée. Son époux est mort. J'ai dit qu'elle était ma belle-fille. Il faut donc qu'elle ait épousé mon fils. » Et ce jeune homme n'est pas mon fils, assurément. Heathcliff sourit encore, comme c'eût été une plaisanterie un peu trop forte de lui attribuer la paternité de cet ours. Mon nom est Ayrton Earnshaw, bougonna l'autre, et je vous conseille de le respecter. Je n'ai fait preuve d'aucune irrévérence, répondis-je en riant intérieurement de la dignité avec laquelle il se présentait lui-même. Avant qu'il eût cessé de tenir les yeux fixés sur moi, j'avais détourné de lui mon regard, de crainte d'être tenté de le gifler ou de donner cours à mon hilarité. Je commençais à me sentir indubitablement peu à ma place dans cet agréable cercle de famille. Le sentiment de bien-être physique que j'éprouvais était plus que neutralisé par la lugubre atmosphère spirituelle qui régnait là. Je résolus de réfléchir avant de m'aventurer sous ce toit une troisième fois. Le repas terminé et personne ne manifestant d'un mot la moindre sociabilité, je m'approchai de la fenêtre pour examiner le temps. Un triste spectacle s'offrit à ma vue. Une nuit obscure tombait prématurément, le ciel et les collines se confondaient dans un violent tourbillon de vent et de neige épaisse. Je ne crois pas qu'il me soit possible maintenant de rentrer chez moi sans un guide, ne puis-je m'empêcher de m'écrier. Les routes doivent avoir déjà disparu. Si même elles étaient découvertes, je verrais à peine où mettre le pied. Ayrton, conduis cette douzaine de moutons sous le porche de la grange. Ils vont être enfouis si on les laisse dans leur parc toute la nuit. Et mets une planche devant eux, dit Heathcliff. Que faire? Continuai-je avec une irritation croissante. Ma question demeura sans réponse. En jetant un regard autour de moi, je ne vis que Joseph qui apportait un seau de porridge pour les chiens, et Madame Heathcliff penchée sur le feu qui s'amusait à faire brûler un paquet d'allumettes tombées du rebord de la cheminée quand elle avait remis la boîte à thé à sa place. Après avoir déposé son fardeau, Joseph passa à l'inspection de la pièce et grinça d'une voix chevrotante. « Je me demandions comment vous pouvez rester là, ne rien faire et à vous chauffer, quand tous y sont dehors. Mais vous n'êtes qu'une propre à rien et c'est pas la peine d'user sa salive. » « Vous n'amenderez jamais vos mauvaises manières et vous y raiderez chez le diable comme votre mère avant vous. » Je m'imaginais un instant que ce morceau d'éloquence était à mon adresse. Passablement en colère, je m'avançai vers le vieux drôle avec l'intention de le jeter dehors à coups de pied. Madame Heathcliff m'arrêta par sa réponse. « Vieille hypocrite médisant, répliqua-t-elle, n'avez-vous pas peur d'être emporté vous-même quand vous prononcez le nom du diable? Je vous conseille d'éviter de m'irriter, « où je solliciterai votre enlèvement comme une faveur spéciale. » Arrêtez. Regardez un peu, Joseph, continua-t-elle en prenant sur un rayon un grand livre foncé. Je vais vous montrer mes progrès dans la magie noire. Je serai bientôt en état de faire par elle maison nette. Ce n'est pas par hasard que la vache rouge est morte, et votre rhumatisme ne peut guère être compté comme une grâce providentielle. Mauvaise, mauvaise, haleta le vieux. Le Seigneur nous délivre du mal. Non, impie, vous êtes un réprouvé. Allez-vous-en, ou vous pâtirez sérieusement. Vous serez tous modelés en cire et en argile, et le premier qui transgressera les bornes que je fixe sera... Je ne veux pas dire ce qui lui arrivera, mais vous verrez. Allez, j'ai l'œil sur vous. La petite sorcière mit une feinte malignité dans ses beaux yeux, et Joseph, tremblant d'une sincère horreur, s'enfuit en priant et en répétant « Mauvaise, mauvaise !» Je pensais que la jeune femme avait dû se livrer à une sorte de sinistre plaisanterie. À présent que nous étions seuls, j'essayais de l'intéresser à ma détresse. « Madame Heathcliff, dis-je sérieusement, veuillez m'excuser de vous déranger. Je prends cette liberté parce qu'avec un pareil visage, je suis sûre que vous ne pouvez pas ne pas avoir bon cœur. » Indiquez-moi quelques repères qui me permettent de retrouver mon chemin pour rentrer chez moi. Je n'ai pas plus d'idée de la manière de m'y prendre que vous n'en auriez si vous deviez aller à Londres. Suivez le chemin par lequel vous êtes venu, répondit-elle en s'installant sur une chaise avec une chandelle et le grand livre ouvert devant elle. C'est un conseil bref, mais c'est le meilleur que je puisse vous donner. Alors si vous entendez dire qu'on m'a découvert morte dans une fondrière ou dans un trou plein de neige, « votre conscience ne murmurera pas que c'est en partie votre faute. Pourquoi »« Pourquoi? Je ne peux pas vous escorter. Ils ne me laisseraient pas aller jusqu'au bout du mur du jardin. »« Vous ! Je serais désolée de vous demander, pour ma commodité, de franchir le seuil par une nuit pareille, m'écriai-je. Je vous demande de me dire quel est mon chemin, et non de me le montrer, ou sinon de persuader M. Heathcliff de me donner un guide. »« Qui ? Il y a lui, Earnshaw, Joseph Zilla et moi. » Qui voudriez-vous prendre? Il n'y a pas de valet à la ferme? Non, personne, hormis ceux que je viens de nommer. Alors il en résulte que je suis forcée de rester. Vous pourrez vous entendre à ce sujet avec votre hôte, cela ne me regarde pas. J'espère que ce sera pour vous une leçon de ne plus entreprendre à la légère d'excursions dans ces montagnes, cria de l'entrée de la cuisine la voix forte de Heathcliff. Quant à ce qui est de rester ici, je n'ai pas d'installation pour les visiteurs. Il faudra que vous partagiez le lit de Ayrton ou de Joseph si vous restez. « Je peux passer la nuit sur une chaise dans cette chambre ? » proposai-je. « Ah non, non, un étranger est un étranger, qu'il soit riche ou pauvre. Il ne convient pas de laisser à quelqu'un la libre disposition de la pièce quand je ne suis pas là pour surveiller, » dit le grossier coquin. Cette insulte mit ma patience à bout. Je laissai échapper une exclamation de dégoût et passant devant lui, je me précipitai dans la cour. Dans ma hâte, je me heurtai contre Earnshaw. Il faisait si sombre que je ne pus trouver la sortie. Comme je tournais tout autour de la maison, j'eus un autre spécimen de leur charmante manière de se traiter entre eux. Au début, le jeune homme parut sur le point de s'intéresser à mon sort. « Je veux aller avec lui jusqu'à l'entrée du parc, » dit-il. « Tu iras avec lui en enfer, » s'écria son maître, si c'est là le terme qui convient à leur situation respective. « Et qui soignera les chevaux, hein ?»« La vie d'un homme a plus d'importance qu'une négligence d'un soir pour les chevaux. Il faut que quelqu'un y aille, » murmura Madame Heathcliff avec plus de bienveillance que je n'en aurais attendu d'elle. « Pas sur votre ordre, » riposta Ayrton. « Si vous vous intéressez à son sort, je vous conseille de vous tenir tranquille. »« Alors j'espère que son spectre vous hantera, et j'espère que Monsieur Heathcliff n'aura jamais d'autre locataire tant que Grange sera debout. » répondit-elle d'un ton tranchant. « Écoutez, écoutez, la v'là qu'il est maudit !» marmotta Joseph vers qui je m'étais dirigé. Il était assis assez près pour entendre, occupé à traire les vaches et à la lueur d'une lanterne, que je saisis sans cérémonie. Je lui criai que je la renverrais le lendemain et je courus à la porte de sortie la plus proche. « Maître, maître, il vole la lanterne !» cria le vieux en me poursuivant dans ma retraite. « Égnacherai, chien, wolf !» Comme j'ouvrais la petite porte, deux monstres velus me sautèrent à la gorge, me renversèrent, et la lumière s'éteignit pendant que le gros rire de Heathcliff et de Ayrton mettait le comble à ma rage et à mon humiliation. Heureusement, Les bêtes paraissaient plus enclines à allonger les pattes, à bâiller et agiter la queue qu'à me dévorer vif. Mais elles ne toléraient pas que je ressuscitasse, et je dus rester à terre jusqu'à ce qu'il plût à leur malicieux maître de me délivrer. Alors, sans chapeau et tremblante de colère, j'ordonnai à ces mécréants de me laisser sortir. S'ils me retenaient une minute de plus, c'était à leur risque et péril, avec des menaces de représailles aussi incohérentes que variées, et qui, par la profondeur et la vague de leur virulence, faisaient songer au roi Lear. La véhémence de mon agitation amena un copieux saignement de nez. Efflif continua de rire, moi de pester. Je ne sais ce qui aurait mis fin à la scène s'il n'y avait eu à proximité une personne plus raisonnable que moi-même et plus bienveillante que mon hôte. C'était Zilla, la robuste femme de charge qui finit par sortir pour s'enquérir de la nature du tumulte. Elle crut que l'un d'eux m'avait fait violence, et n'osant s'attaquer à son maître, elle dirigea son artillerie vocale contre le plus jeune des deux drôles. « Eh bien, monsieur Earnshaw, s'écria-t-elle, je me demande ce que vous pourrez bien inventer bientôt. Allons, vous massacrez les gens sur le seuil de notre porte. Je vois que cette maison ne me conviendra jamais. Regardez le pauvre garçon, il étouffe, ma foi. Chut, chut, il ne faut pas continuer ainsi. Entrez et je vais guérir cela. Allons, calmez-vous. » À ces mots, elle me versa tout à coup une pinte d'eau glacée dans le cou et me poussa dans la cuisine. Monsieur Heathcliff m'y suivit et sa gaieté accidentelle disparut rapidement pour faire place à son habituelle morosité. Je me sentais extrêmement mal. La tête me tournait et j'étais faible. Ainsi, je me voyais obligée, malgré moi, d'accepter l'hospitalité sous ce toit. Mon hôte dit à Zilla de me donner un verre de brandy, puis passa dans l'autre pièce. Tout en me témoignant sa sympathie pour ma triste situation, Zilla exécuta les ordres de son maître, ce qui me ranima un peu, puis me conduisit à un lit.